le chemin des sens à venir. Tous les hasards mènent à bon port. Mon port à moi, c'est la jeune mort. On y jette l'argent par les fenêtres. Que l'on soit beau, que l'on soit moche, on est tout seul dans son cercueil. En oripeau ou en galoche, dans un linceul, y a pas de poche. Sur le chemin des sans-avenir, l'amour surgit à l'aube. Et jamais plus je ne l'oublierai, cette douceur du temps d'aimer. Que l'on soit beau, que l'on soit moche, on est tout seul dans son cercueil. En oripeau ou en galoche, dans un linceul, y a pas de poche. Sur le chemin des sans-avenir, tous les hasards mènent à bon port. Mon port à moi, c'est la jeune mort. On y jette sa vie par les fenêtres. Que l'on soit beau, que l'on soit moche, on est tout seul dans son cercueil. En oripeau ou en galoche, dans un linceul, y a pas de poche. Sur les cargos, mes rêves d'enfant n'ont jamais fait naufrage. Mes rêves d'enfant sont de retour, mais il est un voyage dont on ne revient pas.